Si majeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Si majeur, par Marc Anfossi. Elle allait rendre son ouvrage. Moi, je la suivais bêtement, comme ça, sans savoir comment ni pourquoi. Ce jour, justement, elle allait rendre son ouvrage. Elle avait à peu près cet âge où, terminant l'apprentissage, on peut sortir impunément, et le nez en l'air, carrément, par un soleil éblouissant, elle allait rendre son ouvrage. Si vous aviez vu son visage, c'était radieux et charmant, joli à dévorer, vraiment, et comme moi, probablement, vous l'auriez suivi en flânant jusqu'à l'endroit où, gentiment, elle allait rendre son ouvrage. Elle traversa le passage du saumon, fit énormément de chemin. On trotte à cet âge. J'étais essoufflé, tout en nage, et j'attendais l'heureux moment où, mettant terme à mon tourment, dans un grand établissement, elle allait rendre son ouvrage. Patatras, un encombrement de voitures. Moi, prudemment, je restais là, tranquille et sage. Ça vient vite, un écrasement. Elle avait filé prestement, et je la cherchais vainement. De sorte que, fatalement, je n'ai jamais su ni comment, ni pourquoi, ni dans quel moment et dans quel arrondissement elle allait rendre son ouvrage. Fin de Si majeur, par Marc Anfossi, lu par Ezoie, en Belgique, en octobre 2009.